La flèche au cœur rare par J.H. Roni-Hannay. C'était pour les Lefèvre une heure lugubre, une de ces heures de fin du monde où l'on attend la mort. Ils avaient dîné de pain sec, une livre pour 5 personnes. Un crépuscule rouge cuivrait la chambre nue où demeurait de chaises chauves une malle ruineuse qui faisait office de table. 3 paillasses éventrées. Jacques Lefèvre se rongeait, la tête au poing, incapable de concevoir l'acharnement du sort. 3 mois de maladie, 4 mois de démarche, l'épouvantable chasse dans la forêt sociale, les hommes aussi âpres que les fauves, aussi indifférents que les arbres, les pierres et les eaux. Autant de la misère, tout est misère. C'est l'avalanche qui entraîne d'autres avalanches. Jacques et sa femme avaient lutté de toute leur faible énergie. Elle s'était brisée à chaque détour de la route. De ci, de là, une tâche fugitive, un maigre butin aussitôt épuisé, tandis que l'humble mobilier file pièce à pièce. Un seul parent, riche mais implacable, âme d'avare, gelée, inexorable, que leurs prières n'ont fait tressaillir que d'ennui et d'impatience. Faut-il mourir ? Jacques regarde sa femme pâle, aux joues caves, et dont les yeux sont devenus sinistres, comme aplatis devant les orbites. Il regarde ses 2 fillettes qui ont cessé de croître, qui montre des pots de papier sur des os épuisés, et le jeune garçon qu'il a hérité de son ami Well et qu'il s'est habitué à considérer comme son propre fils. Celui-là, outre la faim et la misère, un autre mal le mange, héréditaire, auquel il n'échappera point. « Est-ce fini ? » rêve-t-il tout haut. « Lorsqu'il y a tant de pain, tant de richesses. » Il regrette de n'être pas un artisan. Il imagine que ceux qui travaillent de leurs bras découvrent des ressources inconnues, tandis qu'un comptable, avec pour seul outil sa plume, est le serf d'obscure paperasse. « La chance tournera, » murmure Madame Lefèvre d'une voix éteinte. « Encore un peu de courage, mon pauvre homme. » Dans son âme de femme, l'optimisme est plus profond. Elle accepte ses hasards, ses circonstances absurdes qui tourbillonnent autour des créatures et qui découragent la logique de Jacques. Pourtant, sa force est à bout. Encore quelques coups et comme lui, elle regrettera de vivre. Elle étreint ses fillettes dans un geste de protection, tandis que Lefèvre attire ce petit Pierre aux yeux fiévreux, qui frissonne, qui semble plus vibrant encore que d'habitude et qui embrasse son protecteur avec une brusque sauvagerie. Le crépuscule assemble ses beaux mensonges parmi les nuages. La lueur décroît dans la chambre nue. Le timbre de la porte retentit. Tous sont sursautés. C'est la voix du dehors. C'est elle qui apporte les mystérieuses nouvelles. Elle est la crainte et l'espérance. Elle menace, elle promet, féroce ou consolante, aussi sauvage qu'un hurlement, aussi caressante que l'appel des fontaines. Madame Lefèvre se dirige vers la porte avec tremblement. Un petit homme paraît, sec et léger, glabre ainsi qu'un acteur, avec des prunelles qui tour à tour vrillent et se dérobent. « J'ai l'honneur de parler à Madame et Monsieur Lefèvre » demande-t-il d'une voix de bois, après un coup d'œil qui a griffé les visages. « Oui, monsieur. » répondit la jeune femme avec lassitude. « Bien, très bien, » fit l'homme qui entra à pas menus. « C'est que j'ai une grave nouvelle à vous annoncer. » Il s'arrêta et parut écouter le silence des malheureux, un silence avide, béant, puis il assina la nouvelle. « Votre oncle Célestin Lefèvre est mort. » Ses yeux s'arrondirent, photographiant pour ainsi dire les attitudes. Ce fut d'abord une surprise pareille à de la terreur. Puis Jacques poussa un cri rauque, où en décernait une formidable délivrance, qu'exprimait aussi la face muette de Madame Lefèvre. Le survenant eut l'air désappointé. « Vous ne vous y attendiez pas, hein ?»« Non, » répondit gravement Jacques, « pas plus qu'un tremblement de terre. »« Vous êtes son seul parent ?»« Ses seuls parents. Ma femme et moi sommes cousins germains, parents du défunt, au même degré. »« Et par suite, les seuls héritiers de M. Célestin Lefèvre, vous en êtes sûr ?»« Absolument sûr. » « Eh bien, » fit l'homme avec une lenteur redoutable, « votre situation est grave. » Il allait parler, mais ses prunelles tombèrent sur les petits. Il se mordit la lèvre. « Je voudrais vous dire quelques mots en particulier, » reprit-il avec courtoisie. Jacques s'était avancé vers l'homme. Sa pâleur croissait encore. Madame Lefèvre montrait un visage contracté, mais en somme plus calme que celui de son compagnon. « Pierre, » fit-elle en se tournant vers le jeune garçon, « « Veux-tu promener les petites ?»« En avez-vous pour longtemps, monsieur » demanda-t-elle à l'inconnu. « Peut-être une demi-heure, madame. » Tu as entendu, Pierre ? Va, mon enfant. » Pierre hésitait. Une émotion tendre et violente faisait vibrer sa bouche. Il se décelait nerveux à l'extrême. Il semblait vouloir se précipiter devant Lefèvre. « Bah !» répéta Madame Lefèvre. Alors, à regret, il se décida à obéir. Il emmena les petites filles. « Nous sommes seuls, » grommela Jacques. « Que vouliez-vous dire ?»« Je veux dire, » articula l'homme avec la même lenteur impressionnante, « qu'une accusation formelle pèse sur vous. » Lefèvre bondit. « Une accusation. Sur moi. » Ses mains et ses chevilles tremblaient. La colère faisait palpiter ses tempes. On voyait des paroles agiter ses lèvres, elles se perdaient dans un murmure. « C'est une absurdité et une infamie » parvint-il enfin à dire. « Et une lâcheté impardonnable !» déclara Madame Lefèvre. « Si vous avez parlé au hasard !»« Ce n'est pas moi qui vous accuse !» affirma presque mélancoliquement l'homme. « C'est le mort lui-même !» Un silence, Jacques et sa femme, la tête basse, sentirent passer une menace obscure. Cette heure, qui devrait être l'heure de la délivrance, va-t-elle être plus féroce que toutes les autres ? Madame Lefèvre se redressa la première. « Qui êtes-vous » dit-elle au visiteur. « Au nom de qui et de quoi venez-vous nous tourmenter de notre misère ?»« Je suis André Morin, inspecteur à la sûreté, » déclara froidement l'homme. Cette réponse était prévue. Elle n'émut pas davantage les malheureux, mais elle leur fit mieux sentir le froid d'acier de la situation. D'ailleurs, elle leur donna plus de fermeté, par un phénomène psychique bien connu qui, dès l'enfance, rend la plupart des hommes plus craintifs devant un péril obscur que devant un danger défini. « Si je comprends bien, » fit Jacques d'une voix blanche, « notre oncle nous aurait accusés avant de mourir. Cela me semble à peu près impossible étant donné son caractère, à moins qu'il n'ait déliré. Il n'a pas parlé, il a écrit. Je comprends moins encore. Comment a-t-il pu écrire s'il est mort assassiné ? Je ne suppose pas que ce soit un secret. « En est-ce un pour vous ?» questionna sournoisement le policier. « Vous devez avoir quelque expérience des hommes, » s'écria Lefèvre avec véhémence. « Regardez-nous bien, monsieur, écoutez-nous. Je suis sûr que nous ne faisons pas figure de meurtrier. »« Non, » répondit franchement Morin. « Mais si vous aviez été pendant quelques années à la sûreté, vous sauriez que ce sont souvent les innocents qui ont l'air coupables et les coupables qui ont l'air innocents. »« Soit, en tout cas, » puisque votre question ne nous a pas déconcertés, vous pouvez, je pense, passer outre. Comment notre oncle a-t-il été assassiné ? Il a été frappé par une flèche empoisonnée au curare. Ça ne vous dit rien ? Si. Mon oncle a beaucoup voyagé. Il a rapporté une collection d'armes étranges. Il se pourrait que la flèche lui appartint. C'est exact. Il a été surpris au moment où il examinait une partie de sa collection par quelqu'un qui était bien renseigné, comme vous l'êtes. Et cela seul, à défaut d'une autre preuve. « J'ai compris, » interrompit Jacques avec une brusquerie amère. « Et quand il a été frappé, il a écrit pour m'accuser. C'est fantastique. Pourquoi ? Est-ce qu'il ne devait pas songer tout d'abord à appeler au secours, puis à faire prévenir un médecin ? Et si l'assassin l'a mis dans l'impossibilité de le faire ? Mais comment ? Il aurait fallu le garantir en lui laissant une main libre. Et apporter d'encre et du papier. » De nouveau, l'inspecteur fit cet œil par quoi les gens de sa profession essayent de troubler ceux qu'ils cuisinent. « Vos remarques sont logiques, » grommela-t-il, « trop logiques. Et vraiment, vous ne voyez pas d'autre moyen par lequel on aurait pu empêcher la victime de fuir ?»« J'en vois un, » intervint hardiment Madame Lefèvre. L'assassin, en prenant la fuite, a pu avoir le temps de fermer la porte à clé. « Juste, » fit Morin, tous les muscles du front tendus par la tension. « Mais la victime pouvait ouvrir la fenêtre. Oh, monsieur !» s'exclama la jeune femme en haussant les épaules. « N'essayez pas de nous prendre en piège. Toutes les fenêtres de notre oncle sont garnies de barreaux de fer, donc même au rez-de-chaussée, il ne pouvait sortir. »« Vous êtes bien renseignée, madame, » remarqua froidement Morin. « Hélas, oui, » reprit Jacques. « Et vous voyez que nous ne nous en cachons pas. » En définitive, notre oncle devait être seul. Il a sûrement appelé. Puis ne voyant venir personne. « Il a du moins voulu que le crime ne restât pas impuni, » acheva rudement l'inspecteur. « Mais il n'a pu nous accuser. »« Et il vous a accusé. » En termes formels, le détective ne répondit point. Il avait croisé les bras. Il réfléchissait. Enfin, d'un air presque rêveur, « Au fond, il vaut toujours mieux avouer. C'est absurde !» cria Jacques avec colère. « Il est impossible que vous me croyiez coupable. Dites-moi ce que contenait la déclaration de mon oncle, car enfin je finirai bien par le savoir. »« Eh bien, soit. Elle contenait ces cinq mots. » « Ce sont mes héritiers qui... »« C'est tout ?»« C'est tout. Ce n'est pas une accusation, surtout ce n'est pas une accusation formelle. Ah, vous trouvez, vous êtes difficile. » Il eut un nouveau silence, puis Jacques repartit avec beaucoup de calme. « À quelle heure a eu lieu le crime ?»« Entre 2 et 3 heures de l'après-midi. »« Eh bien, monsieur, entre 2 et 3 heures, j'ai fait 3 démarches successives, toutes 3 dans le 17e arrondissement, auprès de négociants. Le premier m'a reçu à 2 heures et quelques minutes, le deuxième vers 2 heures et demie, le troisième avant 3 heures, et j'ai fait antichambre. Comme le crime s'est passé à Gentilly, l'impossibilité vous apparaîtra peut-être suffisamment démontrée. » Quant à moi, ajouta ironiquement Madame Lefèvre, car enfin je suis à bon droit aussi suspecte que mon mari, je puis fournir des alibis d'une égale précision. Nous allons vous écrire les noms des personnes dont nous invoquerons le témoignage. Si vous avez une conscience, vous agirez sans retard. Il serait par trop cruel de laisser dans l'incertitude des malheureux qui se meurent de misère. » Ces dernières paroles, prononcées avec une simplicité pathétique, troublèrent positivement l'inspecteur. La ruse, la froideur disparurent un moment de sa voix et de son visage. Il répliqua doucement. « Je vous promets d'agir avec la plus grande promptitude. Dès ce soir, j'essaierai de commencer mon enquête. En attendant, je vous engage à ne faire aucune démarche. Sinon, chez vos fournisseurs, jusqu'à ce que j'ai vérifié vos affirmations. Si vous n'êtes pas coupable, nous sommes innocents. » fit Jacques d'un accent profond. L'inspecteur prit rapidement les noms et les adresses utiles. « Pour agir avec une efficacité absolue, il me faudrait votre présence ou vos photographies, si elles existent. » Elles existaient. Jacques l'étendit à Morin, qui se retira avec un dernier regard ensemble soupçonneux et bonhomme. Et comme Jacques demeurait sombre, « Demain, nous serons délivrés de ce cauchemar, » murmura tendrement sa femme. « Bah, mon cher mari, c'est le bonheur quand même, c'est la joie et la santé pour nos petites. » Elle n'eut pas le temps d'en dire davantage. Pierre ramenait les fillettes. Elles étaient plus lasses, mais elles ne devinaient rien du drame qui s'agitait autour d'elles, tandis que le jeune garçon, beaucoup plus averti, montrait un visage farouche d'inquiétude. Il épia ses parents adoptifs, il balbutia avec un grand frisson. « Il n'y a rien, n'est-ce pas ? Il n'y a rien ?»« Rien, mon petit, » répondit affectueusement Jacques. « Rien que de bonnes nouvelles. Demain, tout le monde mangera sa faim. » De grosses larmes jaillirent des yeux de l'enfant, et avec un sanglot de tendresse, il se jeta sur la poitrine de Lefèvre. À force de se répéter que les alibis étaient indiscutables, Jacques avait fini par s'endormir. Mais Madame Lefèvre demeura longtemps éveillée. L'agitation du drame demeurait en elle, quoiqu'elle se crût sûre du dénouement. Puis sa fine intuition s'acharnait sur l'énigme. Elle se redemandait sans cesse pourquoi l'oncle Célestin avait écrit, avant de mourir, ces singulières paroles. Il vivait en loup, dur, féroce, haineux, mais sans hypocrisie. Il n'avait aucun motif de rancune contre ses neveux et nièces. D'ailleurs, en eût-il eu, Madame Lefèvre croyait trop sûre qu'il n'aurait pas adopté un tel mode de vengeance. D'autre part, elle ne s'arrêtait pas à l'idée d'un acte accompli sous l'influence d'un délire. Elle imaginait, au contraire, que le fragment de phrase renfermait un indice de vérité. Mais lequel ? Toute supposition semblait absurde. Et la jeune femme se retournait sur sa couche dure, en proie à une agitation que la faim aiguisait subtilement et cruellement. De-ci de-là, un mouvement de Jacques, des petites ou de Pierre, la faisait tressaillir, puis elle retombait dans ses méditations. Elle ne s'endormit que vers l'aube, d'un sommeil de plomb et d'oubli. Au matin, tous se levèrent, recrus de leur horrible fatigue d'affamés. Et d'abord, ils attendirent. Ni Jacques, ni la jeune femme n'osaient sortir. Déjà, les journaux avaient dû semer dans le quartier l'abominable soupçon que Morin était venu apporter la veille. Puis, qu'aurait-il fait ? Il était trop tôt pour entreprendre des démarches. Il n'y avait plus rien à vendre dans la chambre. À 9 heures, cependant, l'homme se décida à courir sus à la destinée. Il se dirigeait, fiévreux et farouche, vers la porte, lorsque le timbre retentit. André Morin était là. Mais le regard dont il enveloppa la famille avait perdu son acuité inquiétante, une sorte de douceur errait sur ses lèvres. Tout de suite, il dit « J'ai eu de la chance, j'ai pu rencontrer toutes ces personnes. Le doute n'est pas possible. » Il eut un pâle sourire. D'ailleurs, j'en avais le pressentiment. Une joie brusque mettait du soleil sur les joues émaciées de Jacques, mais surtout l'émotion du petit Pierre, ardente, sauvage, frénétique, frappa l'inspecteur. « Un nerveux, » murmura-t-il, « et un précoce. » Il ne vit pas l'étrange mélancolie qui assombrit un moment les traits de Madame Lefèvre et qui la veille l'aurait remplie de méfiance. « Et maintenant, » fit Morin avec un accent de compassion, « allons au plus pressé. « Voulez-vous me permettre de vous prêter quelques francs ou préférez-vous que je vous accompagne chez les fournisseurs ? » « Je préfère que vous nous accompagniez chez les fournisseurs, » dit Jacques. « Ce sera faire d'une pierre deux coups. » Ils connurent le bonheur si grand et si profond de la faim assouvie. Avec un peu de pain, de beurre et de chocolat, la vie affreuse était redevenue l'illusion brillante. L'avenir s'étalait, plein de rêves immenses que connaissent seuls ceux qui furent crucifiés par la misère. La chambre nue n'était plus qu'une légende. Elle allait disparaître. Elle allait s'évanouir dans le monde des souvenirs où elle prendrait une douceur régulière. « Est-il possible que nous soyons sauvés ?» Et il embrassait les enfants avec frénésie. Vers 11 heures, Madame Lefèvre le décida à sortir avec les fillettes. Elle garderait Pierre pour quelques courses. Lorsqu'elle fut seule avec l'enfant, elle le regarda une minute en silence. Il devint pâle, ses mains tremblaient. Elle dit avec une extrême tristesse, « C'est toi qui l'as fait, malheureux. » Il ne dit rien. Il était tombé sur une chaise et pendant une minute, il parut comme mort. « Quand tu m'as quitté hier, tu es allé à Gentilly, » continua la jeune femme. « L'oncle Célestin était seul. Tu as reconnu les flèches. »« Ah, mon petit enfant, pourquoi tu fais cette horrible chose ?» Il poussa un cri sinistre. Il se prosterna devant la jeune femme et d'une voix haletante. « Je ne l'ai pas fait pour moi. Moi, je sais bien que je ne vais pas vivre. Est-ce qu'il fallait vous laisser tous mourir ? Je l'ai fait pour vous, pour Jeanne et Gabriel. Je l'ai fait surtout pour lui, pour mon père. »« Oui, oui. » « Tu l'as surtout fait pour lui !» s'exclama-t-elle avec une sorte d'exaltation. « Il m'a aimé autant que Jeanne et Gabriel. Il n'a jamais pensé à se séparer de moi !» continua l'enfant, les yeux ruisselants de larmes. « Alors quand j'ai vu les flèches !» Il s'arrêta, perdu dans les sanglots. Et Madame Lefèvre songea qu'il y avait là un de ces cas d'âme que n'ont pas prévu et que ne prévoiront jamais la loi ni la morale humaine. Un de ces cas exceptionnels et terribles qui sont au-delà de l'individu, au-delà des sociétés. L'amour seul, l'amour le plus pur, le plus généreux, l'amour des grands sacrifices, avait conduit l'enfant. Quelle abomination ce serait de dénoncer la pauvre créature. Il s'était jeté sur les mains de sa mère adoptive avec une humilité de chien. Il disait encore, « Il ne faut pas le lui dire. Il y penserait toujours. Il serait malheureux, malheureux. » C'était trop vrai. S'il connaissait l'énigme, Jacques ne cesserait de se ronger. Pendant de longs mois, chaque bouchée de pain lui serait amère, et les yeux chagrins de la jeune femme, rencontrant les yeux noyés de larmes de l'enfant, elle accepta le silence. Puisqu'aussi bien il ne pouvait y avoir autrement que remords sans but et vaines souffrances, elle dit tout bas. « Du moins, tu lui avais fait une dernière prière. Je me suis mis à genoux. Je l'ai supplié de toutes mes forces. C'est quand il s'est mis à rire que j'ai pris une flèche. » 15 mois plus tard, monsieur et madame Lefèvre allaient voir Pierre au cimetière Montparnasse. Tous deux demeuraient muets devant cette leçon de la mort qui troublera les vivants jusqu'à la fin des siècles. Puis Jacques se mit à dire « Je l'ai sincèrement aimé. » Madame Lefèvre parut écouter des voix intérieures. Elle murmura avec fièvre « Si tu savais comme il t'aimait. Vois-tu, ta mère t'attend dans mon chéri. Et je ne crois pas que beaucoup de femmes aiment leur mari autant que je t'aime. Eh bien, il t'a aimé plus que ne t'a aimé ta mère, plus que je ne t'aime, et combien plus, le pauvre petit, qu'il n'aimait sa propre existence. » Ainsi s'achève La flèche au cœur rare par J.H. Rony-Aîné.